J'ai un petit problème dans mon application. Pourquoi ça marche pas? J'ai un petit problème dans mon application. Pourquoi ça marche pas? J'avais Windows Millennium. Millennium, ça marchait pas. Même avec le Norton. Norton, ça marche pas. J'ai un petit problème dans mon application. Pourquoi ça marche pas? J'ai un petit problème dans mon application. Pourquoi ça marche pas? J'ai installé XP. XP, ça a tout planté. J'ai réinstallé mes procs. Mes procs, ça a pas marché. J'ai un petit problème dans mon impression. Pourquoi ça n'imprime pas? J'ai un petit problème dans mon impression. Pourquoi ça n'imprime pas? Moi j'avais pris couleur. Couleur ça imprime pas. Moi j'ai pris la laser. Le laser ça imprime toujours pas. J'ai un petit problème dans ma connexion. Pourquoi ça marche pas? J'ai un petit problème dans ma connexion. Pourquoi ça marche pas? Moi j'ai branché le net. Le net ça a pas marché. Ça a pas marché. Même en ADSL. ADSL ça a pas marché. Ça a pas marché. Petit problème de visualisation. Pourquoi ça marche pas? J'ai un petit problème de visualisation. Pourquoi ça marche pas? J'ai mis en 1024. 1024 ça marche pas. 256 couleurs. Y'a que 16 couleurs qui marchent. J'ai un petit problème dans mon application. Pourquoi ça marche pas? J'ai un petit problème dans mon application. Pourquoi ça marche pas? Moi j'ai planté ordi. Ordi ça marche comme ça.